Le vice-ministre Sinong Chul, chef de la délégation du ministère coréen des Affaires étrangères en visite au Congo démocratique, s'est entretenu le 8 août avec Jean-Dior Mlan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le vice-ministre coréen a souligné que notre armée et notre peuple obtiennent des succès éclatants dans la lutte pour auréoler de la victoire cette année, qui a vu la tenue du 7e congrès du Parti Travail de Corée en suivant la ligne de promotion de l'édification de l'économie et des forces armées nucléaires, et sous le drapeau de la capacité de se renforcer eux-mêmes, avec la fierté d'avoir le camarade Kim Jong-un au poste suprême du parti et de l'État. Il a parlé de notre attitude de principe en ce qui concerne la situation dans la péninsule coréenne et sur la scène internationale et du problème pour le développement des relations bilatérales. Le secrétaire général du ministère du Congo démocratique a dit que Son Excellence Monsieur le Grand Président Kim Il-sung et Son Excellence Monsieur le Dirigeant Kim Jong-il ont aidé sincèrement son pays dans le passé et que le président Joseph Kabila Kabange et le gouvernement portent l'intérêt particulier au développement des rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a exprimé ses remerciements à Son Excellence Monsieur le respecté maréchal Kim Jong-un pour l'envoi de la délégation pour le développement des relations bilatérales et souligné que soutenir la cause juste du peuple coréen pour une fois la patrie par la nation elle-même et défendre la souveraineté et la dignité du pays est la position invariable du gouvernement du Congo démocratique. Au cours de sa visite, le vice-ministre coréen s'est entretenu avec le ministre de l'Information, Lambert Mendeombalanga, et le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Kaomba Olumpunda.